En guise de félicitations à la réussite au deuxième lancement d'essai de notre fusée balistique intercontinentale de type Phason 14, l'initiative d'amitié internationale de Pologne pour l'étude de la République populaire démocratique de Corée a publié une déclaration, alors que l'association d'amitié et de solidarité Italie-République populaire démocratique de Corée et la filiale italienne de l'association d'amitié avec la Corée, une déclaration commune.